Chapitre 12. Après le départ de M. de Ménestreau, Camille était tombée dans une sorte de découragement. Elle avait pris l'existence en dégoût, et elle voyait l'avenir sous des couleurs sombres, plus encore que le lendemain de la mort de son père. Depuis ce malheur, tout tournait contre elle. Le meurtrier lui avait échappé. Ceux qui la secondaient avaient mal fini. Courapier était mort tragiquement, et si les journaux disaient la vérité, Georgette était en prison. Ceux qui s'intéressaient à elle l'abandonnaient. Les jumeaux Zach se retiraient. La mère ne voulait plus la voir. Le père était parti froissé, et il paraissait douteux qu'il revînt. Le fils, blessé dans son amour-propre, allait céder la place à son rival. Enfin, Brigitte elle-même désapprouvait évidemment le choix qu'avait fait sa maîtresse, en la personne de M. de Ménestreau, et refusait nettement de la suivre en Angleterre. Et pour compenser toutes ses défections, il restait à Mademoiselle Monistrol l'amour de Georges de Ménestreau, c'est-à-dire l'amour d'un homme qu'elle connaissait à peine, et dont elle s'était éprise comme s'éprennent les jeunes filles, qui ne savent rien de la vie. Elle l'avait aimé tout d'un coup, dans un moment d'exaltation chevaleresque, et elle s'obstinait à prendre cet amour au sérieux. Mais elle commençait à comprendre vaguement qu'elle avait tort de lier pour toujours sa destinée à celle d'un beau cavalier, dont le principal mérite était d'avoir rossé et mis en fuite deux chenapans. Elle persistait pourtant et elle était prête à tenir l'imprudente promesse qu'elle lui avait faite de l'aller rejoindre à l'étranger et de l'épouser. Et plus crédule que jamais, elle n'attendait, pour la tenir, que les renseignements qu'il devait lui rapporter sur le sort de Georgette. Elle n'attendit pas longtemps. Moins de 2 heures après avoir tué Vigoureux, M. de Ménestreau reparut et la trouva seule dans le petit salon où son père était mort, étranglé par un assassin. Il put y arriver sans que personne le vît, car Brigitte, vertement rabrouée par Mademoiselle Monistrol, était allée aux provisions pour passer sa mauvaise humeur. Camille l'accueillit avec moins d'empressement que de coutume. Elle n'avait pas le cœur à la joie. Elle commença par s'informer de Courapier et de son fils. « Les journaux se trompent toujours, » lui dit d'un air dégagé M. de Ménestreau. « L'accident de la plaine Saint-Denis a bien eu lieu, à peu près comme il le raconte. Mais les victimes sont deux pauvres diables, un homme et un enfant, qui couchaient là, faute de domicile, et qui n'ont rien de commun avec les gens que vous cherchez. Ils ont été surpris par l'explosion. « Quoi, l'enfant est mort aussi ?» murmura Camille. « Il a survécu quelques heures à ses blessures, mais elles étaient si graves qu'il n'a pas passé la journée. On l'a enterré ce matin. Je tiens tous ces détails du commissaire de police qui a dressé le procès-verbal. « Morts tous les deux ? Morts pour moi ?» répétait la jeune fille, qui avait les larmes aux yeux. « Quoi, vous croyez encore qu'ils se sont dévoués pour vous ?» Que faut-il donc pour vous persuader que ces drôles sont allés retrouver leur complice Zigzag ? Jamais je ne me déciderai à admettre qu'ils m'ont trahi. Si c'est une illusion que je me fais, laissez-la moi. Il me serait cruel de la perdre. Dieu me garde de vous affliger, mademoiselle, s'écria Georges. Je ne vous parlerai plus jamais d'eux. Mais souffrez que je vous parle de moi, car je n'ai plus que quelques instants à passer avec vous. Je viens de recevoir une dépêche de Londres, qui m'oblige absolument à partir ce soir. Et, vous l'avouerai-je, je n'espère plus vous revoir. N'avez-vous pas ma parole ? Oui, mademoiselle, et je ne doute pas que vous ayez l'intention de la tenir. Mais que va-t-il se passer après mon départ ? Vous êtes entouré de personnes qui ne me veulent aucun bien, et qui ne manqueront pas de me calomnier. Quelle personne ? Mais quand ce ne serait que M. Gémozac, il veut vous garder pour son fils à cause de votre fortune, qui l'empêche de vous dire qu'on lui a donné sur moi les plus mauvais renseignements. Je ne serai plus là pour me défendre. « Monsieur Gémozac est un honnête homme, incapable de mentir, » répondit la jeune fille. « Je lui ai déclaré devant vous que j'étais résolue à vous épouser. Je vous ai juré d'être votre femme. Que voulez-vous de plus ? Je ne veux rien. Je n'ai pas le droit de vouloir. Mais je vous supplie de partir avec moi. Vous savez bien que c'est impossible. Pourquoi ? Vous n'avez plus rien à démêler avec Monsieur Gémozac, puisque vous êtes en possession de l'acte d'association qui assure votre indépendance. » Camille tressaillit. Cette insistance à mêler au transport passionné, les questions d'intérêt la choquaient. M. de Ménestreau s'en aperçut, et jugea que le moment était venu de recourir aux grands moyens. « Partez avec moi, je vous le demande à genoux, » dit-il, en tombant aux pieds de Camille, avec une grâce que lui eût enviée un jeune premier du gymnase. Mademoiselle Monistrol, surprise et presque effrayée, recula, mais il lui prit les mains, et il se mit à les couvrir de baisers brûlants. « Laissez-moi, » cria-t-elle en se débattant. Georges la tenait bien. Il se releva d'un bond, il la prit par la taille, et il la tira contre sa poitrine, malgré les efforts désespérés qu'elle faisait pour se défendre. Tout à coup, une main s'abattit sur l'épaule de M. de Ménestreau, et une voix lui cria : Face au parterre, mauvais gueux !» Il lâcha prise et il se retrouva furieux, pendant que Camille, bouleversée, s'affaissait dans un fauteuil. Elle avait eu le temps d'entrevoir une femme et elle croyait rêver. Mais Georges l'avait reconnue, cette femme, et il se rassura elle en disant « Ah, drôlesse, tu me vends ? Eh bien, tu vas mourir, je vais te tordre le cou !»« Pas ici, monsieur Tergovitz, » répondit tranquillement le baron de Fresnay, qui émargea tout à coup de la salle à manger où il se tenait derrière le rideau. « Madame de Lugo m'a affirmé que vous étiez ici, » reprit le baron de Fresnay avec un flingue étonnant, « et elle m'a à peu près forcé de les conduire. Elle éprouve le besoin de s'expliquer avec vous. » Puis, s'avançant, le chapeau à la main vers Camille Monistrol, éperdu, « Pardonnez-moi, mademoiselle, d'envahir votre domicile, » dit-il, de sa voix la plus douce. « Je me flatte que vous me remercierez plus tard de m'être présenté chez vous sans votre autorisation. Du reste, j'ai déjà eu l'honneur de vous voir dans une circonstance que vous n'avez pas oubliée, j'en suis sûr. J'accompagnais ce soir-là mon meilleur ami, Julien Gémozac. » Camille ne bougea point. Elle ne comprenait pas encore, mais M. de Ménestrou pâlit horriblement. « Maintenant, monsieur, lui dit Fresnay, je laisse la parole à Madame de Lugo. Vous la connaissez beaucoup, à ce qu'il paraît. Il tient énormément à ne pas vous perdre, puisqu'elle est venue vous chercher ici. » « Assez, monsieur, » répliqua M. de Ménestrou avec violence. « Faites-moi place. Je ne vous connais pas plus que je ne connais cette femme. » Fresnay ne s'écarta point pour le laisser passer. Et Madame de Lugo lui dit en lui montrant le poing. « Tu oses me renier, misérable ? Répète-moi donc en face que tu n'es pas mon amant, je t'en défie. »« Monsieur, vous me rendez raison de cette scène. C'est vous qui l'avez provoquée, » s'écria Georges. « Tais-toi, scélérat, » reprit la fausse hongroise. « Est-ce qu'on se bat avec un homme de ton espèce ? Ce n'est pas de la main d'un baron que tu mourras. » « Oh, tu as beau me faire les gros yeux, je sais ce qu'il m'en coûtera de te dénoncer, mais ça m'est égal. Ah, tu m'as berné. Ah, tu veux me lâcher au moment où tu pourrais m'épouser, puisque depuis hier je suis veuve. Eh bien, tu finiras sur la guillotine, assassin. Oui, assassin, voleur. » « Oh, oh !» grommela Fresnay, en feignant la surprise. « Vous ne saviez pas ça, vous ?» lui dit la Lugo. « Vous croyez que cet homme n'était qu'un intrigant ? Je vais vous l'apprendre, moi, ce qu'il est. Il a commencé par voler son père, qui en est mort de chagrin. » Il a triché au jeu, il s'est fait saltimbanque pour échapper aux gendarmes qui le cherchaient. Je l'ai connu sur les planches, et j'ai été assez bête pour me toquer de lui. J'aurais mieux fait de me pendre. Au moins je ne serais pas crevé à la centrale, comme ça va m'arriver. Et s'il n'y avait que cela, mais le reste, vous le devinez, le reste. Si vous aviez été moins bête, vous et votre ami Gémozac, il y a 15 jours que Zigzag serait coffré. « Zigzag !» murmura mademoiselle Monistrol en interrogeant des yeux le visage de Georges de Ménestrou, qui dit en haussant les épaules. « Cette femme est folle !»« Gredin !» s'écria la fausse comtesse. « Nous allons voir si je suis folle. »« Regardez-moi, mademoiselle. Vous ne me reconnaissez pas parce que mes cheveux sont teints. Vous m'avez vu pourtant le soir où on a tué votre père. Vous m'avez vu sur la place du trône où je faisais la parade. C'est moi qui vous ai fait mettre à la porte de la baraque, où vous étiez entré en poursuivant l'assassin. » Camille poussa un cri et regarda Georges. « Et lui, le reconnaissez-vous maintenant ?» reprit Amanda, qui ne se possédait plus. « Non, non, » murmura la jeune fille, « ce n'est pas vrai, c'est impossible. Vous ne voulez pas me croire parce que ce vil coquin vous a débarrassé de 2 voyous dans la plaine Saint-Denis. Il savait bien ce qu'il faisait aller. Il s'était renseigné et il avait appris que vous étiez riche. C'est cette nuit-là qu'il a commencé à me trahir. J'étais avec lui à la Maison Rouge. Quand cette brute de Courapier est tombée dans la cave avec son petit, vous vous êtes sauvé. Devinez un peu ce qu'il m'a dit avant de courir après vous. Il m'a dit qu'il allait vous assommer sur la route, et je l'ai cru. » « Eh bien, il avait son plan. Il espérait qu'on vous attaquerait, et ça n'a pas manqué. Il est arrivé tout à point pour vous sauver, et vous avez donné là-dedans. Pariant que si je n'étais pas venu aujourd'hui, vous alliez l'épouser la semaine prochaine. Mais je suis là, et vous ne tomberez pas dans ses griffes. Vous ne m'avez rien fait, vous. C'est de lui que je veux me venger, et je me venge. Allons, baron, il y a bien ici un domestique ou une servante. Appelez-les et commandez-leur d'aller chercher 2 sergents de ville qui nous arrêteront, Zigzag et moi. » Fresnay ne se pressa point d'obéir. Il n'avait pas prévu que les choses iraient si vite et si loin. Et il commençait à se repentir d'avoir exposé mademoiselle Monistrol à une si terrible scène. La pauvre enfant était tout près de défaillir, et M. de Ménestrou osa encore lui adresser la parole. « Vous comprendrez, mademoiselle, lui dit-il, que je dédaigne de me défendre, car vous savez aussi bien que moi que je ne suis pas Zigzag. Vous l'avez vu, ou plutôt vous avez vu ses mains. » « Oui, et je vois les vôtres, » balbutia Camille. « De quoi, ses mains ? » répondit la fausse comtesse. « Elles sont fines et blanches, mais si vous vous figurez qu'elles n'ont pas pu étrangler votre père, c'est que vous ne connaissez pas Zigzag. » Il est fort comme 4 hommes. Une fois, il s'est battu avec notre Hercule à la foire de Neuilly, et avec ses petites mains-là, il lui a tordu les poignets. Non, non, ce n'est pas la main de l'assassin. Elle était énorme, et puis ce pouce crochu, ses doigts recourbés comme des griffes. Les reconnaîtriez-vous, mademoiselle ? Demanda Freinet. Oui, eh bien, je vais vous les montrer. Il tira des poches de son pardessus les deux gantelets d'acier qu'il avait pris, rue Mozart, dans la cassette. Mademoiselle Monistrol recula d'horreur et ferma les yeux pour ne pas voir ces horribles engins qui avaient servi à étrangler son père. « Voilà donc pourquoi tu y tenais tant à ta boîte plate, » dit Amanda. « Ah, gueux, je ne savais pas comment tu t'y étais pris. Eh bien, elles ne t'ont pas porté bonheur, tes mécaniques à ressort. Si tu n'avais pas envoyé Vigoureux les chercher, on ne t'aurait jamais pincé. Maintenant, ton affaire est claire, et la mienne aussi. En route pour Mazas, mon vieux. » Ménestro, zigzag, écarta sa complice d'un coup de poing, bouscula Freinet et se précipita dans l'escalier. « Tu ne m'échapperas pas, gredin !» cria la danseuse de cordes en s'élançant à la poursuite de son amant. Freinet courut au secours de mademoiselle Monistrol, à moitié évanouie. Il ne tenait pas du tout à rattraper ce couple scélérat. Il lui suffisait d'être débarrassé de la comtesse de Lugo. Elle aurait pu fuir, et zigzag aussi, car Brigitte n'était pas rentrée. Mais Georget veillait dans la cabane où il s'était caché. Quand il les vit sortir de la maison, il sauta aux jambes de zigzag, qui trébucha, et il s'accrocha à lui en criant d'une voix perçante « À moi, à l'assassin !» Amanda, folle de colère, avait saisi son complice et se cramponnait au collet de son pardessus. À ce moment, attirés par les cris de Georget, deux gardiens de la paix, entournés sur le boulevard Voltaire, s'approchèrent de la clôture qui protégeait la cour. Le cocher qui avait amené Amanda et Freinet se réveilla et sauta en bas de son siège. Zigzag, en voyant poindre les tricornes des sergents de ville, comprit qu'il était perdu. Il se dégagea d'un bond qui envoya Georget rouler à 10 pas et tira de sa poche son revolver qui ne le quittait jamais. « Tue-moi, canaille !» lui dit Amanda en présentant sa poitrine. « J'aime mieux ça que de finir à la centrale, et ça ne t'empêchera pas de finir à place de la roquette. » Zigzag fit feu et la malheureuse tomba frappée au cœur. Du second coup, il abattit d'une balle dans l'épaule Georget qui se relevait. Du troisième, il se cassa la tête. Les sergents de ville trouvèrent 2 cadavres et un enfant qui n'était pas tout à fait mort, mais qui n'en valait guère mieux. Le cocher accourut et s'exclama en reconnaissant, dans le tas, la dame qui l'avait amené de la rue Mozart. Il n'arriva pas seul sur le théâtre de cette boucherie. Julien Gémozac, qui n'était pas loin, avait entendu les détonations, et il entra précipitamment dans la cour. Il venait de voir son père qui lui avait dit où en était mademoiselle Monistrol avec monsieur de Ménestreau, et il arrivait dans l'intention bien arrêtée de souffleter cet homme, au risque de se brouiller avec la jeune fille qu'il adorait malgré tout. On croira sans peine qu'il ne perdit pas de temps à s'apitoyer sur le sort de son rival, et qu'au lieu de se joindre aux gens qui s'occupaient des morts et du blessé, il se précipita dans la maison, où il craignait de ne trouver que le cadavre de Camille. Au haut de l'escalier, il tomba dans les bras de son ami Freinet, qui descendait sur le champ de bataille, et qui lui dit tranquillement « Ton amoureuse est là-haut, va la consoler !» Julien ne s'attarda point à demander de plus amples explications. Il entra dans le salon et il y vit mademoiselle Monistrol affaissée sur un fauteuil, les bras pendants, les yeux hagards, la bouche entrouverte. « Vous êtes blessée ?» lui demanda-t-il en lui prenant les mains. Elle lui fit signe que non. « Ce misérable a essayé de vous tuer, » reprit Gémozac. « Qui donc vous a sauvé ?» Et comme elle se taisait, je devine, c'est ce brave Freinet, et moi qui l'accusais. Mais rassurez-vous, l'homme est mort. Il s'est tué, n'est-ce pas ? Je ne sais, il y a une femme, un enfant, tous couchés dans une mare de sang. Un enfant, conduisez-moi près de lui. Mademoiselle Monistrol fit un effort pour se lever. Julien la retint. Épargnez-vous cet affreux spectacle, lui dit-il. Je ne sais qui est l'enfant, mais j'ai reconnu la femme, une créature qui s'était emparée de notre ami. La complice, murmura Camille. Quant à l'homme, c'est l'assassin de mon père. Que dites-vous ? La vérité. Et je croyais l'aimer. Je voulais partir avec lui. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? Julien Gémozac n'y comprenait plus rien. Et il ne sut que répondre. « Vous souhaitez de mourir ? Vous oubliez donc que je vous aime ?»« Ne parlez pas ainsi, je suis indigne de vous. » Julien allait protester, mais Freinet rentra brusquement et leur cria. « C'est fini, Zigzag s'est fait justice après avoir envoyé Amanda dans l'autre monde. Le petit en reviendra. Du diable si je devine d'où il sortait celui-là. Il a une veste de chasseur de restaurant. »« Georget !» s'écria mademoiselle Monistrol. « Je veux le voir. » »« Vous ne le verrez que trop tôt. Les sergents de ville vont venir vous interroger. » Je me charge de leur répondre. En attendant qu'ils montent, laissez-moi vous unir. Je suis un piètre marieur, mais dans des cas comme celui-ci, on prend ce qu'on trouve. Écoutez-moi donc. Toi, Julien, tu es passionnément amoureux de mademoiselle Monistrol, et tu ne demandes qu'à l'épouser. Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas mis la main sur Zigzag, et c'est bien par hasard que j'ai gagné le prix proposé par mademoiselle. Aussi ne lui ferai-je pas l'injure de le réclamer. Les mauvais sujets comme moi sont de détestables maris, et je te cède la place de très bon cœur. Vous, mademoiselle, vous vous êtes trompée, ça arrive, ces choses-là, mais vous êtes née pour faire le bonheur de mon ami, qui fera le vôtre. Votre main, je vous prie. » Camille, profondément émue, l'attendit à Freinet, qui la mit dans la main de Julien. « Voilà qui est fait, dit-il avec une gravité comique. Vous êtes fiancée. À quand la noce? Je m'invite. Maintenant, laissez-moi recevoir les agents. J'entends leurs pas dans l'escalier. » L'affaire a fait du bruit, mais elle a été tirée au clair, et elle n'a pas troublé le bonheur des jeunes époux. Ils voyagent en Italie, et leur lune de miel est sans nuages. Camille ne pleure plus qu'en pensant à son père. Freinet a repris son train de vie habituel, et ne réussit pas à s'amuser. Il y a des jours où il regrette Amanda, comtesse de Lugo. Olga est allée dire la bonne aventure dans le midi. Georget travaille dans les bureaux de M. Gémozac, qui se charge de son avenir.